Les fêtes de fin d'année approchant, Annette s'était rendue quelques jours à Lens, chez sa fille, et le temps avait paru interminable à Marcel. Il avait passé le jour de Noël avec Amélie, et leur conversation ne s'était jamais éloignée d'Annette, qui, de son côté, peu habituée aux brumes du Nord, avait hâte de revenir près de la Canebière. Le Colpi, ne cachant même plus ses projets à sa sœur, lui avait confié qu'il aimerait qu'à son retour, cet ami d'enfance s'installe chez lui, en tout seigneur, tout honneur, bien sûr, mais qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre pour la convaincre. Amélie s'était chargée tant bien que mal de faire entendre à sa copine qu'elle pourrait, sait-on jamais, cohabiter un temps avec Marcel, qu'il était un brave type, et surtout qu'il avait besoin d'elle. Annette avait tergiversé, car elle n'avait jamais envisagé pareille chose, et n'avait dit ni oui ni non à son ami. Elle se sentait gênée, sachant de longue date que Bernard, le fils, ne la portait pas dans son cœur. Déterminé, le Colpi s'en était ouvert timidement à sa belle-fille, qui lui avait aussitôt conseillé de faire selon ses sentiments, sans s'embarrasser de considérations aléatoires, ni demander l'avis de son fils, borné en la matière. Elle n'y voyait aucun inconvénient, bien au contraire, car il ne serait plus seul dorénavant si cela se faisait. À présent, quand Annette venait faire le ménage, les rapports avaient changé, et elle hésitait à prendre des initiatives, par crainte de donner l'impression d'avoir Marcel sous sa coupe. Elle paraissait moins enjouée quand il lui proposait l'aïoli du vendredi, mais ne refusait pas, savourant elle aussi la présence d'un compagnon délicieusement affable. Retrouvant un moment sa verve et sacrément étonné de son propre culot, le Colpi avait fini par dire à Annette qu'il avait besoin de sa présence quotidienne, de ses talents de cuisinière, de son oreille toujours attentive, en un mot, qu'il la voulait près de lui jour et nuit.